Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station 107 FM pour cette 26e chronique de Mylène Histoire de Tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé de la deuxième partie de la scarification, en nous concentrant sur la scarification dans les religions. Ensuite, nous avions poursuivi par la première partie du tatouage au jaguar, et avions terminé par le motif de la hache et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons des différentes modifications de la peau, continuerons de parler du tatouage au jaguar et finirons avec un motif et ses significations. Allons-y maintenant! Comme vous le savez maintenant, la scarification n'est pas la seule modification corporelle qui existe, il en existe plusieurs encore. Vous connaissez le tatouage dont on parle depuis maintenant 25 chroniques, cependant, en plus de ce dernier qui, pour rappel, consiste à fixer des pigments dans la profondeur du derme pour tracer des motifs indélébiles, ces pigments d'origine naturelle ou industrielle sont appliqués à l'aide de piqûres ou de brûlures pour diverses raisons prophylactiques, thérapeutiques, liées à l'identification d'un groupe humain, esthétique ou érotique. Le tatouage a d'ailleurs été considéré par Darwin comme l'une des plus anciennes modifications corporelles. Il existe plusieurs types et styles de tatouage que vous pouvez retrouver dans mes chroniques précédentes. Comme dit plus tôt, en plus du tatouage, plusieurs autres modifications existent. On a pu voir la scarification. Or, d'autres sont possibles, comme le perçage par exemple. Le but de ce dernier consiste à percer ou inciser une partie du corps pour insérer un objet ou un bijou. Cependant, dans le piercing, nous pouvons retrouver une sorte de sous-catégorie, le stretching. Ce mot, qui veut dire étirement, désigne une pratique consistant à poursuivre le piercing en y introduisant un bijou de plus en plus volumineux, afin de, comme son nom l'indique, élargir la cavité. Mais revenons-en au piercing. Le perçage des oreilles et des ailes du nez sont les plus fréquents, mais aucune partie du corps échappe à cette technique répandue sur toute la surface du globe, aussi bien dans les sociétés traditionnelles que dans la culture occidentale contemporaine. Bien que, traditionnellement, ils sont faits bien en vue sur la face, tels les lèvres, les sourcils, les joues ou le menton, les perçages sont aussi aujourd'hui pratiqués sur tout le reste du corps, avec une prédilection pour les zones érogènes, comme les tétons ou l'appareil génital externe. Selon Caroline Sahuc, une psychologue exerçant à Paris, les associations de tatouage, délinquance ou piercing déviance sociale ne sont pas pertinentes chez les adolescents pour qui, la plupart du temps, la modification corporelle est avant tout, un moyen d'expression. En plus du perçage, de la scarification et du tatouage, il existe une autre modification corporelle, le marquage au fer, aussi appelé branding. Cela consiste à appliquer sur la peau un objet chauffé pour laisser une marque définitive. Bien que cette technique ait été traditionnellement utilisée dans le domaine de l'esclavage, de la torture et de l'emprisonnement, la technique du marquage au fer peut aujourd'hui revêtir un aspect semi-volontaire lors de rites d'initiation, entourés d'une forte pression de groupe, comme dans les gangs, l'environnement carcéral ou la fraternité. Mais ce n'est pas tout. Le marquage au fer fait partie aussi de la pratique sexuelle de soumission, le BDSM. Enfin, la pratique peut correspondre à une démarche volontaire et personnelle de modification corporelle à visée esthétique, associée ou non au tatouage ou au piercing. Comme vous avez pu l'entendre, il existe quelques autres modifications corporelles hormis le tatouage. Dans la chronique suivante, nous rentrerons plus en détail dans les modifications des parties du corps, en commençant par la tête et en terminant par les dents. En attendant, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette chronique, qui sera la deuxième partie du tatouage au jaguar. Nous avons déjà pu voir que le tatouage au jaguar était fait à partir d'un fruit de la forêt amazonienne appelé jaguar, qui serait utilisé par les populations locales depuis des millénaires. Ce fruit, dont le jus devient bleu foncé, noir au contact de la peau, est transformé en gel pour faire le fameux tatouage au jaguar. Ce dernier était fait à l'aide d'une seringue qui servait à faire des contours propres et nets. Une fois fait, il devait être couvert d'un sparadrap médical pendant une heure, puis après ce dernier était retiré. S'ensuit un nettoyage au savon avec de l'eau afin d'enlever le surplus. Cependant, quelle est la durée de vie d'un tatouage au jaguar? C'est une bonne question dont nous allons y répondre tout de suite. Selon plusieurs sites professionnels spécialisés dans le tatouage au jaguar, il est indiqué que celui-ci tiendra environ 2 semaines. Tout comme le tatouage au henné dont on a parlé dans la chronique numéro 6, le tatouage au jaguar ne disparaît pas comme par magie. En effet, les couleurs commencent par se faner, certaines zones s'effacent tandis que d'autres pèlent. L'on peut donc voir que le tatouage au jaguar passe par des phases, qui ne sont pas très jolies avant de disparaître complètement. Comme les pigments s'estompent avec le renouvellement cellulaire de la peau, ce qu'on appelle les peaux mortes, il est recommandé, afin que vos tatouages tiennent plus longtemps, de réaliser avant de se faire tatouer un gommage. C'est le même cas avec le tatouage au henné ou l'auto-bronzant. Mais est-ce vraiment un tatouage naturel? Une question que l'on a le droit de se poser. Cependant, il n'existe aucune réponse universelle, car les revendeurs de kits de tatouage au Jaguar et les salons de tatouage au Jaguar sont nombreux. Certains veillent tout particulièrement à utiliser un produit 100% naturel, alors que d'autres, principalement pour des raisons de coût, utilisent des produits n'ayant de Jaguar que le nom. Donc si c'est un type de tatouage qui vous tente, faites un maximum de recherches et ne cédez pas aux offres alléchantes, car si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement faux. Là on a parlé du tatouage au Jaguar et du tatouage au aîné, mais vous vous demanderez peut-être quelles sont les différences entre ces deux types de tatouages. Bien qu'ils soient tous les deux naturels, des différences existent. Tout d'abord, le tatouage au aîné est issu d'une plante dont on utilise les feuilles transformées en poudre, tandis que le tatouage au Jaguar utilise le fruit transformé en gel. Ensuite, côté couleur, le tatouage au aîné donne un résultat orange à marron, alors que le tatouage au Jaguar offre un visuel bleu marine à noir. Le temps de séchage est aussi différent. Le tatouage au aîné sèche en 10 à 20 minutes environ, alors que le tatouage au Jaguar sèche en 30 minutes à 1 heure. Pour finir, le tatouage au aîné peut tenir entre 2 et 4 semaines, alors que le tatouage au Jaguar ne tient guère plus de 15 jours. Nombre de différences qui incitera certaines personnes à prendre le tatouage au aîné, alors que d'autres prendront le tatouage au Jaguar. Nous avons encore pu voir pas mal de choses sur le tatouage au Jaguar, cependant ce n'est pas encore fini. Dans la chronique suivante, nous verrons les avantages et les inconvénients du tatouage au Jaguar, car bien que ce soit un tatouage naturel, il y en a. Dirigeons-nous à présent vers la dernière partie de cette chronique, un motif et ses significations. Le motif du jour sera le papillon. Le motif du papillon en tatouage est un motif résolument féminin qui ne cesse de tenter les femmes rêveuses et romantiques. Qu'il soit discret ou imposant, c'est un motif qui est facile à arborer sur n'importe quelle partie du corps afin de sublimer celle-ci et de souligner cette partie tout en douceur. Comme c'est un tatouage caractérisé par sa joie, sa féminité et sa grâce, il est plus utilisé par les femmes que par les hommes. Le motif du papillon a une symbolique relativement profonde que nous allons voir maintenant. Il faut tout d'abord savoir que la signification du tatouage papillon peut, d'une culture à l'autre, varier. Dans la culture occidentale, par exemple, elle représente l'âme d'une personne qui naît dans ce monde. Selon l'interprétation des peuples européens, le papillon représenterait la forme physique de l'âme. Selon les croyances, après la mort, l'âme humaine se transforme en papillon avant de quitter finalement le purgatoire. Comme vous le savez sûrement, le papillon passe par une métamorphose en se transformant d'un cocon à un insecte adulte volant, ce qui est un véritable mystère de notre chère mère nature, qu'on en a encore assez de mal à expliquer. D'ailleurs, beaucoup de personnes croient que c'est Dieu qui serait derrière cette métamorphose. Cela expliquerait pourquoi il y a un tel engouement pour le tatouage papillon. Du tatouage papillon en ressort plusieurs significations. Il incarne tout d'abord la vie, mais aussi la fécondité, la féminité et bien sûr l'esthétique. Cependant, ce ne sont pas là ses seules significations. Il y en a encore plusieurs. Le développement spirituel de l'individu, la transformation, la résurrection, la liberté et les rêves. Tout un tas de significations qui permettra à la tatouée d'afficher son caractère rêveur et son âme sensible. Pensez-vous peut-être que ce sont toutes les significations du tatouage papillon? Détrompez-vous, celle-ci s'élargit encore plus. En effet, peu importe où il est tatoué sur le corps, le tatouage papillon peut signifier la patience et l'attention, la délicatesse et la créativité. Dans un sens encore plus élargi, le tatouage papillon peut également représenter l'amitié. Mais quels sont les emplacements parfaits pour se faire tatouer un papillon? Adopter un tatouage de papillon à la cheville peut être un très bon emplacement pour afficher son esprit libre et le fait que la tatouée soit ouverte à toute autre transformation dans la vie. L'on peut la comparer à une créature magique qui arrive à un stade d'épanouissement et à un moment dans sa vie. C'est donc une super métaphore de la métamorphose qu'une femme vit dans tel ou tel moment. Il est toutefois possible de se faire tatouer un papillon sur n'importe quel endroit du corps. Cependant, il est intéressant de remarquer que beaucoup de femmes ont un tatouage papillon relativement près d'un endroit des 7 chakras, la tête, le bas du ventre, le dos, la poitrine, l'aine, etc. Bien sûr, chacun de ces points a une signification précise. C'est pour cela qu'il faut prendre ce fait en considération avant de se faire tatouer. Si vous êtes une personne rêveuse et idéaliste, l'omoplate est l'emplacement du corps qui vous conviendra le mieux. Le tatouage de papillon sur la poitrine est une bonne option si vous avez un cœur débordant d'amour et de compassion pour les êtres vivants. Le bas du dos, quant à lui, est réservé au papillon afin de signifier une affirmation de soi. Sur le bas-ventre, il est considéré comme signe de fertilité et de virginité. Concernant les couleurs du tatouage papillon, il n'y a pas de format précis. Il est tout à fait possible de vous faire tatouer un papillon en couleur ou en black and grey, de forme géométrique ou réaliste. Les choix sont énormes. Comme vous avez pu l'entendre, le tatouage papillon a beaucoup de significations. Donc si vous êtes une personne rêveuse, féminine, avec un cœur débordant d'amour et de compassion